Les murailles dressées devant nos yeux semblaient plus fortes que nos prières. Mais tu nous demandes l'obéissance, pas la logique de la guerre. Tour après tour, dans le silence, le peuple marche sans cri. Car parfois la foi la plus puissante est celle qui sait se taire aussi. Ce n'est pas le bruit qui renverse, c'est l'obéissance fidèle. Jamais pu faire, ta voix l'accomplit dans nos mains. Rahab et sa maison sont saints.